بسم الله الرحمن الرحيم سنخوض الآن المسألة السادسة والستين 66e مسألة في قوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابه من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون que dans le sens où Allah Azza wa Jalla dit que ceux qui ont été pieux qui ont cru ils ne rendront pas compte de leur ils ne rendront pas compte de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire par rapport au kuffar. Mais cependant, ils leur feront leur appel afin qu'ils craignent. C'est-à-dire les gens pieux, quand même, ne tiendront pas compte de ce qu'ont fait les mécréants. Qala l'An'am, verset 69. قال هذه الآية الكريمة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الخائذين في آيات الله بالاستهزاء والتكذيب وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم كان مثلهم في الإثم ويقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله أن يكفروا بها ويستهزوا بها فلا تخوضوا معهم فلا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. Donc ce noble verset nous laisse comprendre qu'il n'y aura pas de péché sur ceux qui s'assoient avec ceux qui parlent dans les versets de la religion en se moquant ou en démentant, comme les mécréants ou comme les innovateurs. Et d'autres versets sont venus que celui qui s'assoit avec eux, lors de ces moments-là, il est comme eux. Celui qui reste avec eux, avec ces gens-là qui parlent mal de la religion, celui qui reste avec eux, parmi les gens pieux, sera considéré comme étant des leurs. Comme le dit Allah dans le sens où il dit, nous avons certes fait descendre sur vous dans le livre que si vous entendez les versets d'Allah auxquels on mécroit ou dont on se moque, alors ne restez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils délaissent la parole dans laquelle ils sont, ou sinon vous serez comme eux. Sourate An-Nisa, verset 140. Quand l'I'lam awwalan anna fi ma'na qawlihi wa ma'ala allazina yattaquna min hisabin min shay'in wajhayn al-ulama. Donc en premier lieu, il faut savoir, comme il dit l'auteur, que par rapport au verset, que ceux qui ont cru ne tiendront pas compte de ce qu'ont fait les mécréants, il y a deux wajh, deux façons de voir ce verset. قَالَ الْأَوَّلُ أَنَّ مَعْنَى مَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مُجَالَسَةِ الْكُفَّارِ عِنَّ خَوْضِهِمْ فِي آيَاتِ اللَّهِ مِنْ حِسَابِ الْكُفَّارِ مِنْ شَيْءٍ. Donc le premier sens, c'est qu'en fait, les croyants sont innocents et ne tiendront nullement compte de ce qu'ont fait les mécréants en parlant mal des versets d'Allah, c'est-à-dire de façon générale. Quand les koufars ils parlent mal sur le Coran, qu'ils se moquent du Coran, nous, ça ne revient pas à nous, cela. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème sur le verset. Et le deuxième wajh, « Anna ma'na al-aya ma'ala lazini yattakuna ma yaka'u min al-kuffar » Et l'autre wedge qu'on pourrait avoir du verset, c'est qu'en fait, les croyants ne devront pas rendre le compte pour ce que les mécréants auront dit lors de leurs assises communes, c'est-à-dire lorsque les koufars et les mu'minouns seront assis dans des assemblées communes et que les koufars parlent mal du Coran ou autre, que eux, ils ne rendront pas compte de cela, les croyants. قال وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة ثم نسخ بقوله إنكم إذا مثلهم. Donc cette autorisation de laisser les mécréants parler en mal du Coran en présence des mu'minin, cela, si jamais c'était le cas, c'était alors au début de l'islam. Car c'était une daroura, au moment où les musulmans étaient mustadafoun, étaient affaiblis. Et par la suite, cela a été abrogé par « Innakum izan mislehum », vous êtes donc comme eux. Verset 140, elle dit ça. Et ce nasr a été cité par Mujahid, Wasuddi, Ibn Julayj et autres, comme l'a cité Ibn Kathir. Donc là, également, ce qu'on-là n'apporte aucune contradiction. D'accord ? C'est-à-dire que cela a été permis au début, C'est-à-dire, si demain, si les croyants étaient avec les koufars et qu'ils parlaient mal de la religion, qu'ils ne pouvaient rien faire et qu'ils n'auront pas à rendre le compte pour ce que disaient les koufars. Après, cela a été abrogé. Cependant, un rappel afin qu'ils craignent. على الوجه الأول أنهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإثم ولكن الأمر باتقاء مجالسهم عند الحوض في الآية لا تسقط وجوب تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ولعلهم يتقون الله بسبب ذلك. Donc si on revient maintenant au premier wedge, le fait qu'il faut le rappeler afin qu'ils craignent. Le fait de leur rappeler aux koufars ou à ceux qui parlent mal de leur région, leur faire un rappel afin qu'ils craignent. Se basant sur cela, par rapport au premier wedge qui était que lorsque les koufars parlent de façon générale sur la religion, que nous, on n'en rend pas compte de cela. D'accord ? Mais qu'on doit éviter leurs assises pour être épargné du péché. Cependant, on doit éviter leurs assises au moment où ils parlent en mal de la religion, et que si jamais cela devait arriver, cela n'empêche pas qu'il nous est obligatoire de leur faire le rappel, de les sermonner, de les exhorter, d'en donner le convenable et d'interdire le blâmable, afin qu'ils craignent par cette cause-là. وعلى الوجه الثاني فالمعنى أن الترخيص في المجالسة لا تسقط التذكير لعلهم يتقون الخوف في آيات الله بالباطل إذا وقعت منهم الذكرى لهم. D'accord, donc on revient. Le wedge précédent, c'est de façon générale. Que les koufars, s'ils parlent en mal du Coran, à la base, on n'a pas à en tenir compte. Nous, on n'en rend pas compte. Cependant, cela n'empêche pas de faire un rappel. Maintenant, dans le deuxième ma'na, dans le fait que nous sommes présents avec eux, dans le même majlis, dans la même assemblée, alors à ce moment-là, d'accord, à ce moment-là, c'était au moment avant que cela ne soit abrogé, il fallait quand même le faire le rappel. Il fallait quand même le faire le rappel. Ça veut dire quoi faire le rappel? Ça veut dire que celui qui partait, qui était présent, sa présence ne lui coûtait pas de péché. Mais cependant, rien n'empêchait qu'il devait faire le rappel. Ava. Fa'ada wa matalak biadil mas'ala. والله سبحانه وتعالى سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك